d'un soleil au coucher, gisant sous un doux tapis d'œillet, près d'une pomme baveuse et sucrée. Peuple champignon se sent décoloré, il y a bien réfléchi, c'est consciencieusement préparé. Demain, c'est le jour J, il commence sa grande traversée. Pop, pop, étant insatisfait, insatisfait, naturellement, naturellement, je quittais sa forêt pour un plus joli fossé, s'évader en accéléré, se libérer, prendre son pied appuyé sur le champignon, in order to satisfaction. Sous le pleureur, entouré de glands, les marguerites succombent, mais pour lui c'est pesant, il souffre d'un fantasme inassouvi. Trouver enfin la future fleur de sa vie, en dressant son chapeau éponge arrondie, se contemple dans l'eau du lac, lustre son crâne multicolorie, l'affaire est dans le sac. Pop, pop, étant insatisfait, insatisfait, naturellement, naturellement, veut quitter sa forêt pour un plus joli fossé, s'évader en accéléré, se libérer, prendre son pied appuyé sur le champignon, in order to satisfaction. Pop ne se prend pas pour un cornichon, preuve irréfutable, c'est un champignon. Il imagine déjà ses formes, des mensurations hors normes. Il ne veut pas de fleurs des champs aux mauvaises herbes, pas d'ortie, pas de piquant. Monsieur voyage en première, il rêve d'effleurer la fleur, flirter la flore, refleurir la forêt avec son enflure de fleurée. Oh, le fouet, la forêt, la forêt. Pop, pop, étant insatisfait, insatisfait, naturellement, naturellement, quitter sa forêt pour un plus joli fossé, s'évader en accéléré, se libérer, prendre son pied appuyé sur le champignon, in order to satisfaction. Les chaussures de rando, sac à dos sur le dos, c'est le champignon. Dans un panier, nez à nez, ou plutôt pied à pied, avec une chanterelle toute mignonne, elle a laissé sans voix la jolie champignole. Il n'avait jamais vu ça, toutes les fleurs oubliées, elle n'avait pas de bras, lui non plus s'en foutait. Il était bien contre elle, le panier les berçait, attirant ce charnel. Ils étaient emballés d'amour, et aussi dans le papier journal. En fait, c'est comme si bon, pop, pop, est enfin satisfait, naturellement, il a trouvé sa fée dans cette armature en osier. Malheureusement, il est tombé sur simplé, le nain satisfait, affirmant que ce soir, le nouveau couple va se poêler. Le nouveau couple va se faire poêler.